premier j'étais tellement remonté que je ne me vis descendre dans trois sacs plastifiés. Un joli corps si tendre, le 3 j'ai tout ça jeté. Et le 4 ce fut Noël, Noël. Le 5 longue fut la nuit. Le 6 emporta les traces, mais le 7 je rencontrais Sylvie. Et le 8 je ne sais pas ce qui passe, mais le 9 me reprend l'envie. Et le 10 ça y est, la vie passe. Le 11 nous vit en guerre avec une dénommée Esther. Le 12 incroyable fait divers. Le 13 drôle d'atmosphère. Le 15 creusé dans la terre. Le 16 planté des prix verts. Le 17 j'ai tout lavé. Le 18 me voilà paré. Le 19 j'ai un peu traîné. Le 20 me voilà suspect. Le 21 visite de deux policiers. Le 22 là les flics. Comme ça passe vite.